Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Relations de 1611. Chapitre 10. De la nécessité qu'il y a de bien catéchiser ces peuples avant que les baptiser. C'est contre nature, en quelque espèce que vous le voudrez prendre, que l'enfant, aussitôt né, aussitôt se nourrisse et soutienne de soi-même. Car enfin, ce n'est pas en vain que les mamelles grossissent aux mères pour un temps. Aussi, est-ce contre raison ce que quelques-uns se sont imaginés jusqu'ici, qu'il n'est point nécessaire de faire autre dépense après cette peuplade que nous établissons à la Nouvelle-France, sinon pour, du commencement, y porter et loger nos gens. Estimons du reste qu'ils y trouveront assez de quoi s'entretenir, soit par la troque, soit autrement. Cela est vouloir faire naître des enfants avec les dents et la barbe et introduire des mères sans mamelles et sans lait, ce que Dieu ne veut pas. Il y faudra toujours dépenser les premières années jusqu'à ce que la terre suffisamment cultivée, les artifices introduits et les ménages accommodés, le corps de la colonie ait pris une juste croissance et fermeté. Et à cela, faut se résoudre. Or, de même, faut procéder pour le temporel, aussi convient-il le faire, et à semblable proportion, pour le spirituel. Bien catéchiser, instruire, cultiver et accoutumer les sauvages et, avec longue patience, et n'attendre pas que d'un an ni de deux, ils deviennent chrétiens qui n'aient besoin ni de curé ni d'évêque. Dieu n'a point fait encore de tels chrétiens, ni n'en fera, comme je crois. Car notre vie spirituelle dépend de la doctrine et des sacrements et, par conséquent, de ceux qui nous administrent l'un et l'autre selon son institution sainte. Mais, si partout il faut diligemment catéchiser les peuples autant que les introduire dans l'Église et leur communiquer le sacrement de régénération, c'est en ces lieux où surtout il le faut. La raison est, parce que ces Canadiens sont vagabonds, comme nous avons dit, et ayant leur vie ça et là sans arrêt, et qui, partant, ne pourront assister ordinairement ni à messe, ni à prières ou offices publics, ni fréquenter sermons, ni recevoir les sacrements, ni avoir des prêtres avec eux. Comment est-ce donc que vous voulez qu'ils se puissent entretenir la foi et grâce de Dieu s'ils ne sont bien instruits et au double des autres? Car nous, qui vivons entre les troupes des religieux et sous la garde de tant de pasteurs, et en l'affluence de tant de bons livres, exemples, lois et police, à peine ne pouvons-nous, qui sommes vieux, et pour le dire ainsi, naturaliser chrétiens. Comment le pourront-ils faire, tout nouveaux qu'ils sont, seuls, sans garde, sans lettres, sans institution, sans coutume? Or, de dire que c'est assez d'engendrer, c'est penser comment on donnera l'entretien, c'est justement dire que c'est bien fait de donner vie, pour l'ôter avec cruauté, ce qui n'est pas acte de père, mais de pire que meurtrier. Tout de même, en est-il en la régénération spirituelle, laquelle se fait par le baptême? Car la donner sans pourvoir à la nourriture du régénéré, c'est faire ce qu'a dit notre Sauveur, chasser le diable d'une maison, à celle qui celle est embaillée et barrée, l'ennemi déchassé y rentre de nouveau, non pas seul, mais accompagné de sept autres pires que lui, et par ainsi faire que le misérable régénéré soit, après son baptême, en plus piteux état de beaucoup, qu'il n'était devant qu'être baptisé. Davantage, la pratique a déjà montré cette nécessité de bien catéchiser avant le baptême en un pays où la gent n'était pas sauvage, mais civile. Non coureuse, mais arrêtée. Non abandonnée, mais surveillée de pasteurs, savoirait, au Pérou et Mexique. Car, au commencement, on y baptisa fort facilement. Qu'en advint-il? Il se trouva subitement sur les bras plutôt une synagogue de Samaritains qu'une église de fidèles. Car ces tôt baptisés venaient bien à l'église, mais ils y marmottaient leurs anciennes idolâtries. Ils chômaient les fêtes commandées, mais en faisant leurs anciens sacrifices, danses et superstitions. Ils allaient à la Sainte Communion, si l'on voulait, mais c'était sans savoir ni credo ni confiteor. Et au sortir de là, s'en allaient enivrés et chanter au diable leurs sorcelleries accoutumées. Quel remède à ces malheurs? Quelque ouverture à ces infamies? Oh, qu'il a fallu que ceux-là aient sué qui sont survenus depuis là où, facilement et en peu de temps, cet enrai eût pu être déraciné dès le commencement, et bien labourant le champ avant que l'ensemencer, je veux dire, en gardant l'ancien usage de l'Église de donner le baptême réservément, ayant premièrement des postulants et requérants, et puis des catéchumènes, et, à la parfum, les baptisés. Aussi, le maître de toute sapience a dit très sagement « Que la terre fructifie premièrement l'herbe, puis l'épi, et enfin le plein froment en épi. » Joseph Acosta a très bien remarqué la faute que j'ai dite ci-devant, et elle n'est point excusable après le jugement formel et sentence de l'Église. Voyez le canon « Ante baptismum de consec », distinct 4, et les suivants. Certes, je suis mari de le dire, et m'enterrais fort volontiers, n'était la nécessité qui me contraint, à cause que, ou par malice, ou bien par ignorance lourde, on accuse des jésuites en choses où toutefois ils ont paru être vraiment sincères et constants serviteurs de Dieu. Car il est vrai qu'ils, arrivés en la Nouvelle-France, y trouvèrent qu'on y avait déjà baptisé, à ce qu'on disait, environ 80 personnes, mais ils n'en purent avoir la liste, quoiqu'ils missent peine de la recouvrer. Or, rencontrant aucun de ces nouveaux baptisés, ils tâchèrent à reconnaître leur portée et reconnurent pour tout qu'ils ne savaient pas même faire le signe de la croix. Aucun ignorait leur nom de baptême et, interrogés s'ils étaient chrétiens, ils faisaient signe de n'avoir jamais ouï ce mot. Ils ne savaient point de prière ni de créance et ne montraient aucun changement du passé, retenaient toujours les mêmes sorcelleries anciennes, ne venant encore à l'Église que comme les non-baptisés, c'est-à-dire aucune foi, par compagnie ou curiosité, et assez indévotement. Voir, quelques Français nous rapportaient que quand ils étaient à part, ils se moquaient insolemment de nos cérémonies, et qu'au fond, et allaient bien sonder, ils n'avaient pris le baptême que pour une marque d'être amis des Normands, car ainsi nous appellent-ils. On acceptait de ce nombre le grand Membertou, car, de vrai, celui-là était chrétien de cœur et ne désirait rien tant que de pouvoir être bien instruit pour instruire les autres. Les jésuites, donc, apercevant tout ceci, se résolurent de ne point baptiser aucun adulte, sinon après que, selon les saints canons, il aurait été bien initié et catéchisé. Car, le faire autrement, ils reconnaissaient fort bien être non seulement une profanation du christianisme, mais aussi une injustice envers les sauvages. Car, puisque c'est injustice d'induire quelqu'un à signer une promesse ou serment obligatoire sans lui donner à entendre les conditions auxquelles il s'astreint, combien plus le sera-t-il de pousser un homme de sens et d'âge compétent à faire profession solennelle de la loi de Dieu, ce qui se fait par le baptême, sans qu'il ait été jamais auparavant novice, ni qu'on lui ait donné à entendre les règles et devoirs de la dite profession. Les sauvages n'ont point été si hébétés qu'ils n'aient fort bien su nous reprocher cette injustice, d'autant qu'après ces baptêmes, que nous avons dit, comme les jésuites requéraient qu'ils quittassent la polygamie et vécussent chrétiennement, puisqu'ils s'y étaient obligés. Ils leur dirent que nous étions de méchantes gens, qui leur voulions faire à croire qu'ils eussent contracté à des conditions lesquelles ils n'avaient jamais entendu ni pu entendre. À ces causes donc, les jésuites, délayant le baptême de ceux qui les désiraient, se mirent en toute diligence possible à traduire en canadien l'oraison dominicale et la salutation de l'ange, le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, avec une petite explication des sacrements et quelques oraisons, car c'était toute la théologie de laquelle ils avaient besoin. S'il n'eût-il moyen d'en venir à bout, non pas d'un tiers ou quart de tout cela, ainsi que nous montrerons tantôt. Cependant, voir un grand murmure qui s'élève entre nos Français de ce qu'on ne baptisait point. Car nous sommes en un siècle, auquel, qui sait lire, est à son opinion grand théologien, et qui a le moindre soin de son âme est à son avis le plus apte pour régir l'Église de Dieu et pour entreprendre sur les oins du Sauveur. Ceci n'est point tolérable, disait-il, ainsi que le factum le professe. Ces gens-ci sont inutiles. Il en faut écrire en France. Et autres menaces lesquelles il vint faire au père Biard, lequel tâcha de les apaiser et, entre autres choses, leur dit « Mes amis, si les jésuites eussent été convoiteux de vaine gloire, vous leur montrez la route qu'ils devaient tenir. De tôt baptiser le plus de gens qu'ils eussent pu, parce qu'il y a bien à présumer que ces conversions étant sues en France, les imprimeurs de Paris n'eussent pas été plus négligents, ni les colporteurs plus enroués à crier telle nouvelle par les rues de la ville dans leurs recommandations. Mais à Dieu ne plaise, disait-il, que nous voulions sembler apôtres, n'étant que misérables pécheurs, ni que nous voulions acquérir le bruit de bons ménagers et diligents serviteurs, en dissipant l'héritage de notre maître. On médira de nous, nous le sentons prou. Ne croyez pas que nous soyons si stupides. Mais il ne faut non plus laisser le bien pour l'infamie que l'entreprendre pour les louanges. C'est à Dieu à qui nous servons, et à la maison de qui nous devons apporter aucun fruit. C'est en patience, car, ainsi l'a-t-il dit, il apportera fruit et patience. Nous nous baptisons les petits-enfants, comme vous voyez, de la volonté de leurs parents, et sous l'espérance que nous aurons moyen de les instruire quand ils viendront à l'usage de raison. Les âgés qui meurent, nous les baptisons aussi, les catéchisant du mieux que nous pouvons et que le temps le permet. Quant aux autres qui sont hors le péril de mort, nous les baptiserons aussi quand, par votre aide, nous les pourrons instruire en leur langage et qu'eux, nous saurons répondre. Car il faut que le baptisé adulte réponde lui-même et non le parrain pour lui. Aidez-nous et priez pour cela selon votre grand zèle, et ne vous tourmentez, pensant qu'ils périront s'ils n'ont reçu le baptême. Car aussi bien périront-ils, et pièrement, s'ils l'avaient reçu sans bonne disposition, comme si après le baptême, ils meurent en péché mortel, ils périssent. Que si vous répliquez qu'après le baptême, leurs péchés leur seront pardonnés par la seule contrition, en cas qu'il n'ait point de prophète pour se confesser, ou si vous dis-je que par la même détestation de leurs péchés, avec la volonté de recevoir le baptême, ils seront sauvés en cas qu'ils ne rencontrent aucun qui puisse le leur appliquer. Partant, vous voyez que la première chose que nous tâchons de leur apprendre, c'est la manière de se convertir à Dieu de tout leur cœur par vraie contrition et désir, de s'unir et incorporer avec notre Sauveur Jésus-Christ. Car c'est une disposition pour recevoir le baptême même. Et elle est telle qu'elle suffit à salut quand on ne peut recevoir le sacrement par effet. Il est vrai, nous avons la jambe fort pesante pour monter même ce premier degré. Mais, couragés par vos prières, Dieu nous renforcera de son Saint-Esprit. Telles et autres semblables raisons furent pour l'or déduites par le dit père Biard et ont été souvent répétées depuis, sans que jamais on s'en soit voulu contenter, marque infaillible que l'on cherchait quelque autre chose que raison. Or, à l'occasion des colonies et de leur bon établissement duquel nous parlions, nous sommes dévolés sur le propos du catéchisme et sur la défense des jésuites, non sans nécessité, à mon avis, ni sans profit bien grand. Or, puisque nous avons fait mention du factum écrit contre les dix jésuites et qu'il nous faudra dans en avant, coup sur coup, en convaincre les mensonges, c'est ici à nous d'exposer quel est ce factum, qui son écrivain, et quelle cause il se dit avoir eue de sortir au monde. Chapitre 11. À quelle occasion les Jésuites allèrent à la Nouvelle-France, l'an 1611, et ce que les Français y firent dès l'an 1608 jusqu'à leur venue. Nous avons ci-devant discouru des terres et peuples de la Nouvelle-France, et parlant du moyen de pouvoir aider ces nations, à cette occasion, nous sommes tombés sur le factum écrit et publié contre les jésuites. Or, d'autant que diffamateurs et factieux, ainsi les nommerai-je dans en avant, commençant dès l'embarquement des jésuites, les poursuit, comme à la trace, en Canada, par bois et rivières, mer et terre, de jour et de nuit, en tous leurs voyages et demeures, épiant partout de tirer sur eux, à couvert et proditoirement, quelques impostures et calomnies, à cette cause, il nous faut, de nécessité, prendre mêmes airs pour défendre l'innocence et rapporter au vrai ce qui est de leurs actions et déportements, ainsi que j'ai promis de faire en l'avant-propos. Et j'assois qu'à cette occasion, nous serons contraints souvent de particulariser plusieurs petites affaires, non guère bien convenables à la gravité d'une histoire, ni à la dignité d'un lecteur honorable. Toutefois, j'estime que de cette mienne diligence, on pourra tirer trois grands fruits, outre la reconnaissance de la vérité d'avec les fraudes et bourdes qui, de soi-même, seraient fort profitables. Le premier émolument que le sage lecteur en tirera est que de la pratique, actions, voyages et accidents que nous leur spécifierons l'un après l'autre, il reconnaîtra beaucoup mieux ce qui est de ces terres, de leur naturel, du moyen de les aider, et les accidents de telles expéditions et entreprises. Le second, qui rencontrera tant d'événements et si divers, tant de fortunes et incidents avec leurs moments et articles, que sa prudence pourra beaucoup s'y former. Car, en vérité, c'est tout autre chose que philosopher en thèse et pratiquer en hypothèse. De mouler ses idées en chambre et d'éclore ses actions entre les hommes. De faire son compte sur la liberté du genre et se trouver, puis, après asservi en lieu, temps, personne et mille petits incidents, mais qui étreint bien fort. De nul prix, mais qui souvent néanmoins font changer de résolution et de fortune. Or, c'est en l'exercice de ces particulières circonstances et pratiques qu'on acquiert la prudence, non à une vue et reconnaissance sommaire et universelle. Le tiers fruit sera de reconnaître une vraiment paternelle, douce et admirable providence de Dieu sur ceux qu'il invoque et qui se fient en lui parmi les hasards et variétés de cette vie, tels qu'on en verra ici beaucoup. Ces trois profits, à mon avis, pourront bien contrebalancer la longueur du temps qui s'emploiera en cette lecture. Mais, à cette fin que le tout s'entende mieux, il nous convient retourner à ceux qu'avons déjà si longtemps laissés, savoirait aux Français qui retourneront de Canada en leur pays l'an 1607. Il vous a été raconté, comme sur la fin de la dite année 1607, tout le train du sieur de Mont s'en revint en France et fut lors cette Nouvelle-France entièrement abandonnée des Français. Néanmoins, l'an suivant, 1608, le sieur de Mont constitua son lieutenant, le sieur Champlain, et le mande découvrir au long de la grande rivière Saint-Laurent. Champlain y fit vaillamment et fonda l'habitation de Québec. Mais quant aux faits, voyages et découvertes du dit Champlain, il n'est déjà besoin que je vous les crayonne, puisque lui-même les a si bien et si au long dépeints en ses livres. Or, le sieur Jean de Biencourt, appelé de Potrincourt, avant que le sieur de Mont partît de la Nouvelle-France, lui demanda en don Port-Royal. Le sieur de Mont le lui accorda, moyennant que dans les 2 ans prochains, le dit de Potrincourt s'y transporta avec plusieurs familles pour le cultiver et réhabiter, ainsi qu'il promettait de faire. Donc, l'an 1607, tous les Français étant revenus, ainsi qu'a été dit, le sieur de Potrincourt présenta à feu d'immortelle mémoire Henri le Grand la donation à lui faite par le sieur de Mont, requérant humblement sa majesté de la ratifier. Le roi eut pour agréable la dite requête, et projetant en soi de puissamment remettre sus cette française peuplade, dit au père Coton qu'il voulait se servir de leur compagnie en la conversion des sauvages. Qu'il en écrivit au père général, et qu'on désignât aucun qui se disposasse à ses voyages. Qu'il les appellerait au premier temps, promettant dès lors 2000 livres pour leur entretien. Le père Coton obéit à sa majesté, et bientôt, par tous les collèges de la France, fut entendu qu'on en devait choisir quelques-uns pour cette mission. Plusieurs se présentèrent pour être de la partie, comme est la coutume en telles expéditions beaucoup pénibles et peu honorables. Et entre autres, se présenta le père Pierre Billard, enseignant pour lors la théologie à Lyon. Dieu voulut que le dit père fût choisi et envoyé à Bordeaux, sur la fin de l'an 1608, parce qu'on pensait à Lyon que le projet d'un prince tant efficace ayant été signifié dès tant de mois, l'exécution n'en pouvait être que bien proche. Mais le père Billard fut autant déçu du lieu que du temps, car, à Bordeaux, on fut étonné quand on ouït ce pourquoi il y venait. Nulle nouvelle d'embarquement pour Canada, oui bien du débris et des routes passées, de laquelle chacun philosophait à sa façon, nul après, nul bruit aux nouvelles. Sur la fin de l'an suivant, 1609, le sieur de Potrincourt vint à Paris, où Sa Majesté ayant su que, contre son opinion, le dit sieur n'avait bougé de France, car le roi le croyait avoir passé la mer aussitôt après avoir obtenu la confirmation de Port-Royal, il se fâcha contre lui. De quoi, le dit sieur, fort touché, répondit que, puisque Sa Majesté avait cette affaire tant à cœur, dès lors il prenait congé d'elle, et que de ce pas, il s'en allait mettre ordre et s'équiper pour son voyage. Or, le père Coton, qui était en peine pour le père Billard, et pour la grande semonce qu'il avait faite au nom du roi, ayant su le congé prince du sieur de Potrincourt, l'alla trouver et lui offrit compagnie d'aucun de son ordre. Il reçut réponse que mieux serait d'attendre l'an suivant. Qu'aussitôt étant arrivé à Port-Royal, il reverrait son fils en France. Et qu'avec celui, toute chose étant mieux disposée, cela viendrait qu'il plairait au roi d'envoyer. Sur ce, il partit de Paris et consuma tout l'hiver à se préparer. L'an suivant, 1610, il s'embarqua sur la fin de février et n'arriva que bien tard à Port-Royal, Savoiret sur le commencement de juin où, ayant assemblé le plus de sauvages qu'il put, il en fit baptiser environ 24 ou 25 le jour de la Saint-Jean par un prêtre appelé Messire José Flèche, surnommé le Patriarche. Peu après, il renvoya en France le sieur de Biencourt, son fils, âgé d'environ 19 ans, pour apporter ses nouvelles de baptême des sauvages et rapporter bientôt secours, car on était assez mal pourvu pour passer l'hiver contre la faim. Le moyen de pouvoir trouver secours était une association qu'il avait contractée avec le sieur Thomas Robin, dit de Cologne, fils de famille et en plus de père. Par laquelle association, ils convenaient entre eux que le dit de Cologne fournirait l'habitation de Port-Royal durant 5 ans de toutes choses nécessaires et foncerait abondamment pour pouvoir troquer avec les sauvages. Et que, moyennant ce, il aurait les émoluments qu'il serait ici trop ennuyeux de raconter. Les dits de Cologne et Biencourt arrivèrent à Paris le mois d'août suivant, et par eux, on sut en cours ces baptêmes et nouvelles conversions que nous avons dit. Tous en furent bien aises, mais le mal fut que cette fête ne se trouva pas être celle des étrennes. Or, Madame la marquise de Guercheville, comme entre ses autres rares et singulières vertus, elle est ardemment zélée à la gloire de Dieu et conversion des âmes, voyant une si belle occasion, demanda au père Coton si à cette fois aucun de leur compagnie ne s'en irait point à la Nouvelle-France. Le père Coton lui répondit qu'il s'étonnait fort du sieur de Potrincourt, qui lui avait promis que, renvoyant son fils, il appellerait ceux de son ordre qui avaient été destinés par le roi. Et ce, nonobstant, il ne faisait aucune mention d'eux, ni par ses lettres, ni par ses commissions. Madame la marquise voulut savoir comment allait toute cette affaire et s'en enquit du sieur Robin, qui répondit que toute la charge de l'embarquement lui avait été baillée, mais qu'il n'avait point de commission particulière pour les jésuites. Néanmoins, qu'il savait assez que le sieur de Potrincourt se sentirait fort honoré de les avoir auprès de soi, que pour leur entraînement, lui-même s'en chargerait, comme il faisait aussi du reste de toute la dépense. « Vous n'en serez point chargé, répondit Madame la marquise, parce que le roi les défrait. » Et, avec tel propos, envoya le dit de Cologne au père Christophe Balthazar, provincial, lequel, sur ses promesses, manda au père Pierre Billard, qui lors était à Poitiers, de venir à Paris, et lui fut donné pour compagnon le père Edmond Mas, lyonnais. Eux deux, ainsi destinés à ce voyage de Canada, s'abouchèrent avec les sieurs Robin et Biencourt, et partie faite, le rendez-vous fut assigné à Dieppe au 24 octobre de la même année 1610. Car en ce temps-là, disait-il, tout sera prêt si le vent et la marée le sont. Ainsi, les Jésuites furent bientôt en conge. Car la reine leur fit délivrer 500 écus, promis par le feu roi, et ajouta une fort honorable recommandation de bouche. Madame la marquise de Verneuil les meubla richement d'ustensiles et d'habits sacrés pour dire messe. Madame de Sourdis les fournit libéralement de linge, et Madame de Guercheville leur aumona une bien honnête viatique. Ainsi garnis, ils se rendirent à Dieppe aux temps assignés. Chapitre 12. Les contradictions et difficultés qui s'élevèrent à Dieppe et comment elles furent rompues. La persécutée et triomphante dame que saint Jean vit en son Apocalypse, savoir est l'Église de Dieu, ou encore mystiquement tout en mêlu, cruciatur aut pariat, endure beaucoup de convulsions étranchées à pouvoir enfanter. Aussi, la conception et le projet de toute bonne œuvre a besoin de grâce. Car, enfin, sans cette semence et germe céleste, nos cœurs ne peuvent rien concevoir ni former d'organique, fécond et vivant. Mais quand se vient à éclore le bon œuvre, je veux dire, quand le terme de ce pieux enfantement de vertu approche, lors, il semble que tout conspire à la suffocation de cette divine créature, lors faut-il sentir des douleurs et transes que Satan suscite, et craindre plutôt d'un avortement infructueux qu'avoir espérance d'un heureux accouchement. Les Jésuites ont expérimenté ceci partout, et nommément aux effets salutaires qu'ils ont désiré produire à la conversion de la Nouvelle-France. Nous avons dit, ci-devant, que l'assignation leur avait été baillée à Dieppe au 24 d'octobre, qu'en ce temps-là, le navire devait être comme l'oiseau sur la branche, n'attendant rien plus que de voler. Mais, bien loin de ce compte, ils trouvèrent à Dieppe que le navire n'était pas seulement radoubé. De plus, à leur arrivée, grand bruit parmi la réforme. Car le sieur Robin qui, comme nous avons dit, soutenait toute la charge de l'embarquement, avait donné commission à deux marchands de la prétendue, appelés Duchesne et Dujardin, de vaquer aux radoubes et cargaisons du navire, sous promesse de satisfaire à leurs vacations et parties, et ensemble de les associer à quelque part du profit, qui reviendrait de la traite du pelletri et de la pêche des mollus. Or, les marchands n'avaient guère avancé de la besogne jusqu'alors, je ne sais pourquoi, et dès lors même, ils commencèrent encore à reculer. Car ils s'opiniâtrèrent, jurant par leurs plus hauts jurons, que si les Jésuites devaient entrer dans ce navire, ils n'avaient que faire d'y rien mettre. Qu'ils ne refusaient point tout autre prêtre ou ecclésiastique, voire qu'ils s'offraient à les nourrir. Mais que pour les Jésuites, insociable antipathie. On écrivit de ceci en cours, et la reine manda au sieur de Sigouagne, gouverneur de Dieppe, qu'il fit savoir au surintendant Concitorio, être de sa volonté, et que son feu Seigneur et Marie avaient projeté de son vivant, savoirait que les Jésuites allassent en ces terres de la Nouvelle-France, et partant, que s'ils s'opposaient à ce voyage, ils se bandaient contre son intention et bon plaisir. Mais, pauvre éperon, nos marchands n'en avancèrent point d'un pas, et, à faute d'argent, les sieurs Biencourt et Robin étaient contraints de passer sous leur barre, qui, à cette cause, le promirent et jurèrent que jamais les Jésuites n'entreraient dans leur navire. Sous cette promesse, les marchands se mirent à équiper, vu mêmement que les Jésuites n'étaient plus devant leurs yeux, car ils s'étaient retirés en leur collège d'eux. Or, Madame la marquise de Guercheville, ayant oui ce mépris formel des volontés de la reine, comme elle est d'un cœur généreux, s'indigna que de petits mercadants fussent été si outrecuidés, et partant, estima qu'il les fallait punir justement en ce qu'ils ont de plus sensible, c'est qu'on se passe à d'eux. Ayant donc su que tout ce que les dix marchands pourraient avoir fournir n'eût su monter plus haut que 4000 livres, elle ne se dédaigna point, afin que plusieurs eussent part à la bonne œuvre, de faire une enquête par tous les plus grands princes et seigneurs de la cour, moyennant laquelle cette dite somme de 4000 livres fut bientôt cueillie. Or, la dite dame s'avisa, comme elle est fort prudente, que cette dite somme, en payant les marchands qui avaient fait la cargaison et les déboutants de toute association, pourrait encore faire deux grands biens pour la Nouvelle-France. Le premier, que ce serait un bon fonds pour y perpétuellement entretenir les jésuites, sans qu'ils fussent à charge aux sieurs de Poitrincourt ou autres quelconques, ou qu'il fallût tous les ans retourner pour eux à la quête. Le second, que par ainsi, le profit des pelleteries et pêches que ce navire rapporterait ne reviendrait point en France pour se perdre entre les mains des marchands, ainsi redonderait sur Canada, et là, vu qu'il demeurait en la possession et puissance des sieurs Robin et Poitrincourt, et s'emploierait à l'entretien de Port-Royal et des Français y résidents, à cette cause fut conclu que cet argent, ayant été mis et employé au profit de Canada, les jésuites auraient part et association avec les seigneurs Robin et Biencourt, et partageraient avec eux les émoluments qui en proviendraient. Le gouvernement et débite des dites marchandises demeurant rières, les dits Robin et Biencourt ou leurs agents. Voilà le contrat d'association duquel l'on a tant crié jusqu'à l'enrouement. Si autre cause, on le peut voir. Dieu fasse qu'on ne crie jamais contre nous avec plus de raison.